sur la courée. Tout ce que j'ai en prison, je le veux, je l'aurai. Mon cœur est sombre, c'est clair, c'est grâce à la quiche t'as coloré. Le disque est doré, la chaîne est dorée. J'allume mon doré, je sens ton oreille. Je suis dans la ville, j'étouffe, mon père aspiré dans la forêt. Je suis dans la ville, j'étouffe, j'explore la fumée de mon doré. J'accélère sans frein, je suis dans un trou noir. Mon tunnel sans fin, j'ai réfléchi en vain. J'étais seul en chien, aujourd'hui je suis dans le grand bain. Mes rêves sont sanguins, toujours au charbon à temps plein. J'accélère sans frein, à deux doigts d'éclater les yeux. J'ai prié les yeux, j'ai tiré, j'ai cligné des yeux. Mesdames et messieurs, je tourne mon cercle, hein, ouais. Car plus le cercle est large, plus il est vicieux. Le ciel est doré, j'allume mon doré. Je sais pas sur quel pied danser, faire ou bien suivre la courée. Tout ce que j'ai eu en me disant je le veux, je l'aurai. Mon cœur est sombre, c'est clair, c'est grâce à la quiche t'a coloré. La chaîne est dorée, la déca est dorée. J'allume mon doré, je sens ton oreille. Je suis dans la ville, j'étouffe, mon père aspiré dans la forêt. Je suis dans la ville, j'étouffe, j'explore la fumée de mon doré. Ils m'ont tourné le dos, ils m'ont ignoré. Depuis j'ai fuck shit off, j'suis tout perforé. Beaucoup de souvenirs noirs dans la fumée du terre évaporé. L'histoire est sale, sa mère, ses bâtards l'ont bien édulcoré. Baby Westwood, tu veux t'arborer. J'suis bien décoré. On a ken toute la night, maintenant j'suis son chouchou adoré. Ils m'ont ignoré, maintenant ils veulent collaborer. Moi j'ai le monde à explorer. Baisser les dents. J'ai mon doré, doré. Baisser les dents. J'ai mon doré. J'sais pas sur quel pied danser, faire ou bien suivre la courée. Tout ce que j'ai, je l'ai eu en me disant je le veux, je l'aurai.